troisième temps donc de notre série sur l'histoire des homosexualités. Ce matin, nous vous proposons une discussion sur la question des homosexualités dans l'univers colonial. Lundi, nous avons fait un voyage dans le temps, nous demandant avec Sandra Boringer pourquoi il était si difficile, voire impossible peut-être, de parler d'homosexualité ou d'hétérosexualité dans la Grèce antique et à Rome. Aujourd'hui, nous ferons un voyage dans le temps et dans l'espace des colonies, en nous demandant avec l'historienne Christelle Tarot, spécialiste de la prostitution coloniale et une des cinq co-auteurs du livre « Sexe, race et colonie » qui vient de sortir aux éditions La Découverte, ainsi qu'en compagnie de deux anthropologues, Corinne Fortier, qui est chargée de recherche au CNRS et membre du laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France, et Gianfranco Rebuccini, chercheur associé à l'école des hautes études en sciences sociales. Pourquoi ces catégories d'homo et d'hétérosexualité créées en Europe au 19e siècle ont créé un grand malentendu entre colonisateurs et colonisés, avec la force coloniale qui était à l'œuvre dans ces espaces, et en particulier en Afrique du Nord. Biribi, c'est là qu'on rôle, on rôle en russe. La nuit, on entend hurler le molle. J'aurais pas cru qu'un jour, il serait forcé de connaître mademoiselle Bibi, car tôt ou tard, il faut en être. Biribi, Biribi. On est sauvage, lâche et féroce. Quand on en revient, par hasard, on fait un gosse. On se souvient, on aimerait mieux, quand on se rappelle ce qu'on a subi, voir son enfant à la nouvelle. Kabiribi, Kabiribi. Abiribi, un titre pour commencer cette émission, donc consacrée à la relation entre homosexualité et colonisation, un titre d'Aristide de Bruon qui date de la fin du 19e siècle et dont les paroles disent entre autres « Abiribi, c'est là qu'on râle, on râle en rut. La nuit, on entend hurler le mal qu'on n'aurait pas cru qu'un jour il serait forcé de connaître mademoiselle Bibi, car tôt ou tard, il faut en être. » Abiribi, bonjour à vous, Christelle Tarot. Bonjour. Alors, effectivement, on commence par ce titre parce qu'il faut noter que l'entreprise colonisatrice est une entreprise d'abord masculine par les armées qui se rendent dans ces pays donc ils vont que ces armées vont coloniser, et qu'effectivement il y a à travers cette homosexualité des armées déjà un regard un peu particulier à porter sur cette question de l'homosexualité dans ces espaces coloniaux. Oui, il y a effectivement des liens très complexes, très anciens et très complexes entre les relations sexuelles entre hommes et l'armée, disons. Et d'ailleurs, on observe dans les archives militaires immédiatement, en fait, une angoisse sur la manière de gérer les relations entre hommes sur le versant de la sexualité. Et on peut d'ailleurs tout à fait connecter le fait que les militaires, de manière assez obsessionnelle, par exemple, vont organiser la prostitution hétérocentrée avec des femmes, précisément dans le but d'éviter au maximum les relations entre hommes de ce point de vue-là. Et donc, cela se traduit comment quand on est, comme vous, une spécialiste des archives, qu'on a passé beaucoup de temps dans ces archives, on trouve des traces justement de ces conflits qui sont des conflits de légitimité entre une armée d'un côté et une population coloniale, et peut-être à l'intérieur de cette même armée des relations homosexuelles. Alors, il y a un problème avec les archives. Déjà, il faut quand même le signifier dès le début, c'est que la question des relations sexuelles entre hommes. Je dis relations sexuelles entre hommes parce qu'effectivement, utiliser la catégorie homosexualité pour le 19e siècle est complexe. Pour le 20e siècle, ça l'est moins, mais pour le 19e siècle, c'est quand même très complexe. Donc, je dis relations sexuelles entre hommes. Il y a assez peu, en fait, dans les archives de cette sexualité ou même de la prostitution, il y a assez peu, en fait, numériquement, de documents qui concernent la question des relations sexuelles entre hommes. Donc ça pose un problème, évidemment, pour travailler. Mais il se trouve que l'armée est un des lieux où on en trouve beaucoup, parce que précisément, ce rapport que j'ai précisé en introduction est très fort. Alors évidemment, ça se joue à plusieurs niveaux. Par exemple, je pense au beau travail de Judith Sirkis, qui a exhumé, par exemple, dans les archives militaires, un dossier où un militaire est accusé par un autre militaire, en l'occurrence un médecin, ce sont tous les deux des officiers, d'avoir des relations nourries avec des jeunes hommes arabes. Et ce qui est assez fascinant, en fait, c'est que les officiers qui jugent cette affaire vont plutôt se placer du côté de l'homme qui a des relations sexuelles avec ces très jeunes Arabes, parce que il en va de l'honneur de l'armée. Donc il faut que cela reste entre militaires d'une certaine façon et que ça ne soit pas ébruité en dehors de l'institution militaire. Oui, finalement, c'est moins le problème des relations sexuelles de cet homme. D'ailleurs, les archives sont tout à fait muettes là-dessus. On ne connaît pas la pratique réelle. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement ? Qu'est-ce qui se passe entre ces hommes ? Ça, on s'en fiche d'une certaine manière. Et l'armée même ne s'intéresse pas tellement à cette dimension. Voilà, ce qui lui pose problème, c'est qu'on ébruite qu'il y a une licence des mœurs à l'intérieur d'une institution qui se doit, parce qu'elle incarne aussi d'une certaine manière la colonisation, qui se doit d'être exemplaire. Alors évidemment, vous dites qu'il y a peu de traces, et c'est vrai que dans le gros livre que vous avez coordonné avec bien d'autres, sous la direction de Pascal Blanchard à la Découverte, gros livre qui fait beaucoup parler de lui, en particulier pour les représentations figurées qui sont à l'intérieur de ce livre, puisqu'il y a, je crois, 1200 illustrations environ, eh bien effectivement, on est assez étonné de voir que dans un énorme livre comme celui-ci, qui pèse très lourd, parce qu'il faut le transporter du studio au bureau, du bureau au studio, eh bien que dans ce très gros livre, il y ait relativement peu de représentations de cette homosexualité donc en milieu colonial, au profit ou parce que peut-être il y a beaucoup plus de représentations de l'hétérosexualité, de la prostitution, du rapport entre hommes européens par exemple et femmes colonisées que entre hommes européens et hommes colonisés. Oui, alors évidemment, il y a beaucoup moins. Si on prend par exemple la question des images, il y a proportionnellement beaucoup moins d'images faites aux colonies d'hommes que de femmes, en tout cas sexualisées. Mmh. Évidemment, donc effectivement, on trouve un ratio moindre lorsqu'on travaille sur les sur les images d'hommes. Mais bien sûr, il y en a. Et il y a aussi des études qui sont connectées à ces articles ou à ces notices qui traitent quand même de la question de l'homosexualité, mais plus largement aussi en abordant la question de la masculinité et de la virilité. Mmh. Ce qui est connexe à notre question, mais qui est aussi un peu autre chose. Donc je pense notamment, par exemple, à un ouvrage pionnier, qui est l'ouvrage de Robert Aldrich, sur homosexualité et colonisation, qui est paru en 2002 aux États-Unis. Et donc, qui a écrit Robert Aldrich une notice, je crois, pour un dictionnaire dirigé par Didier Héribon. Et aussi dans notre livre, donc, qui est un spécialiste incontesté de cette question et qui a eu le mérite, justement, d'essayer de donner un peu de champ à cette question. Voilà. Alors donc cette question est une question d'identité masculine aussi. Gianfranco Rebuccini, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous au téléphone, vous êtes anthropologue et vous avez aussi plongé également dans les archives pour essayer de comprendre comment s'était construite justement cette question d'identité masculine et en particulier d'identité masculine qu'on appelle aujourd'hui homosexuelle, qui ne s'appelait pas, comme le disait Christelle Tarot à l'instant même, ainsi au début du 19e siècle et en particulier au moment de la colonisation de l'Algérie. Et vous reprenez les termes de l'historien Georges Mosset en particulier lorsqu'il évoque la construction de la masculinité moderne occidentale qui s'est faite, dit-il, en fabriquant des identités négatives du masculin et parmi elles, évidemment, l'identité du colonisé d'un côté et de l'homosexuel de l'autre, Gianfranco Rebuccini. Oui, il faut rappeler en fait que l'histoire, si Michel Foucault a décrit une généalogie de l'homosexualité à partir de la médecine et de la psychanalyse, il a peut-être oublié le rapport colonial qui était tout aussi important à la même époque. Il faut rappeler que l'émergence des catégories d'homosexualité coïncide un petit peu avec la toute-puissance de l'expansion coloniale à la fin du 19e siècle. Et ce n'est pas un hasard. Des anthropologues comme Anne Laura Stoller, par exemple, ont mis bien en évidence comment le rapport colonial a façonné à la fois les catégories d'homosexualité et d'hétérosexualité, et à la fois les catégories des colonisateurs et colonisés. Oui, et donc c'est... Oui, allez-y. Et c'est le rapport de, colonial qui fait ça. Il faut rappeler que le rapport colonial produit des effets à la fois dans les pays colonisés, mais aussi à la fois en retour dans les pays colonisateurs. C'est-à-dire que la catégorie même d'homosexualité et d'hétérosexualité s'est produite aussi à partir de ce rapport colonial-là. Oui, et on peut dire, Christelle Tarot, et c'est peut-être, il faut insister là-dessus, que lorsque les Occidentaux entrent avec fracas dans les territoires qu'ils vont ensuite coloniser, prenons l'exemple que vous connaissez le mieux, c'est-à-dire celui de l'Afrique du Nord, ils voient face à eux un spectacle, en particulier un spectacle de la rue ou un spectacle des lieux privés, qu'ils interprètent à partir des catégories qui sont en train de se forger dans la France, par exemple, ou l'Europe du 19e siècle. Oui, en fait, il y a un malentendu très important dès le départ, qu'a aussi bien discuté Joseph Massad dans son livre « Desiring Arabs »,« Désirer les Arabes ». Effectivement, ce malentendu se construit de la manière suivante. On a tendance à confondre toute une série de choses. Donc, on confond d'abord ce qui relève de l'homosocialité, dans lequel d'ailleurs on peut trouver de l'homo-érotisme. Hein. Donc l'homosocialité d'un côté. Comment la qualifier, par exemple, les auditeurs, l'homosocialité, c'est quoi? Le fait pour les hommes dans des sociétés qui sont quand même des sociétés de ségrégation de sexe, où les hommes fréquentent peu les femmes, ou d'une manière assez particulière, c'est-à-dire le plus désexualisé possible. Donc, ils ont évidemment entre eux développé des relations homosociales qui sont tout à fait évidentes, puisqu'ils vivent le plus souvent ensemble. Et donc, ces relations homosociales les ont conduits à produire des comportements qui sont assez étonnants pour les Européens qui arrivent, notamment pour les Français en Algérie, par exemple, le fait que les hommes se tiennent aisément par la main, par la taille, qu'ils soient aussi inscrits dans un autre registre de corporalité que le registre de corporalité masculin de, par exemple, d'un Français moyen. Donc il y a ce problème de l'homosocialité. Ensuite, il y a la question des relations sexuelles entre hommes qui existent, bien sûr, qui sont nombreuses, attestées, y compris par des travaux anciens comme le travail de Abdelwahad Boudiba sur la sexualité dans l'islam. Pourquoi ? Parce que justement, la sexualité entre hommes, ça peut être aussi une sexualité de compensation ou d'attente, dans le souci ensuite de pouvoir avoir une sexualité plus classique, entre guillemets, plus normale, voire normée. De préparation ou d'attente du mariage, par exemple. Voilà, par exemple. Qui peut d'ailleurs être reportée parfois un peu longuement. Et puis enfin, il y a des vraies relations qu'on pourrait définir comme homosexuelles qui existent, qui là aussi sont attestées par les sources, mais qui sont plus minoritaires. Et donc, en fait, cette gamme des possibles est réduite, en fait, dans la grille d'analyse qu'en font, effectivement, les Européens quand ils arrivent. Corinne Fortier, vous n'êtes pas encore intervenue. Bonjour à vous. Merci de nous avoir rejoints. Je rappelle que vous êtes anthropologue chargée de recherche au CNRS et membre du laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France. Vous n'êtes pas historienne et vous avez bien précisé qu'il ne fallait pas que je vous présente comme historienne, mais comme anthropologue. Donc, vous travaillez plutôt sur le contenu. Mais néanmoins, ce contemporain hérite des catégories qui sont les catégories qui ont été décrites à la fois par Gianfranco Rebuccini et par Christelle Tarot à l'instant même, c'est-à-dire c'est un siècle ou plus d'un siècle ou plusieurs siècles de colonisation de ces territoires coloniaux et donc de regard porté par les colonisateurs sur les pratiques sexuelles décolonisées en l'occurrence. Oui, comme ce qui a été dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on est en même temps dans des sociétés où il y a une très grande ségrégation des sexes et où il y a une sociabilité forte entre hommes et aussi entre femmes. Donc une homosocialité, ce qu'on peut appeler une homosocialité qui est vraiment très beaucoup plus importante que dans le monde occidental et qui entraîne en fait donc des comportements en effet qui peuvent paraître ambivalent, des malentendus, comme en effet donc se toucher, se tenir la main, parfois se dire mon amour, alors que c'est un mot de Habibi, c'est un terme qui peut être employé aussi amicalement et pas amoureusement. Et en même temps aussi, on est dans des sociétés où la question de la virginité pour les femmes est importante. Et où, en théorie, les relations sexuelles avant le mariage sont prohibées. Donc, en effet, il a pu y avoir aussi une tolérance, on va dire, pour des relations homosexuelles avant le mariage. Bon, donc et ça c'est quelque chose qui existe, enfin je veux dire qui a été qui existe, mais en même temps il y a aussi le rapport. En fait, l'homosexualité n'est pas en tant que telle considérée comme telle, mais ce qui est une focalisation sur une certaine pratique sexuelle qui est la pratique de la sodomie, en particulier aussi dans l'islam, dans les textes musulmans, qui renvoient aussi aux textes de la Genèse et qui sont abhorrés. Donc en fait, la question aussi du fait d'être actif et passif, la question aussi dans ces sociétés aussi d'être des jeunes garçons. Tout à l'heure, on a parlé justement aussi, Christelle a parlé tout à l'heure des militaires qui sortaient avec des jeunes garçons. Mmh. La question de l'éphèbe et du jeune garçon aussi, qui est plutôt justement considéré comme féminin, enfin en tout cas androgyne, qui n'est pas totalement masculin, qui n'est pas encore viril, qui n'a pas encore de moustache, et donc qui finalement aussi est mis dans un monde plutôt féminisé et aussi dominé, et aussi important à prendre en considération. Et là, n'a rien à voir avec les catégories coloniales, mais à voir avec des catégories locales et même aussi peut-être plus universelles. Oui, Gianfranco Rebuccini, effectivement, il faut insister là-dessus, tout en insistant aussi sur le fait que dans une émission comme la nôtre, nous n'allons pas parler de l'ensemble des territoires colonisés, puisque les Européens se sont projetés sur tous les autres continents, mais plutôt effectivement de cet espace que vous connaissez vous aussi très bien, qui est l'espace de l'Afrique du Nord. Il faut effectivement se poser la question de ces codes coloniaux qui importent des catégories, dites-vous, mais aussi de ce qui est propre à ces sociétés, en particulier ces sociétés du Maghreb, le Rajoul d'un côté, le Zamel de l'autre, qui sont des catégories qui sont des catégories présentes dans ces sociétés avant même l'arrivée des colonisateurs, c'est cela, Gianfranco Rebuccini? Oui, parce qu'en fait, il y a une tendance peut-être un peu parfois de surévaluer la période coloniale en tant que période de rupture extrême. En réalité, il faut aussi rappeler qu'il y a aussi des certaines continuités de l'époque précoloniale à l'époque postcoloniale. Et parce que le colonialisme et la colonisation des esprits ou des catégories ou des pratiques des personnes qui sont dans les pays colonisés ne se fait pas de la même manière pour tout le monde. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des nuances des colonisations qui sont différentes, par exemple selon les classes sociales. Il faut aussi rappeler que la colonisation n'est pas seulement une entreprise culturelle, mais une entreprise qui est strictement liée à la diffusion et à l'emprise du capitalisme de l'époque. Donc évidemment, quand le capital rentre dans les pays colonisés, il a une attitude différentielle selon par exemple les classes sociales. Mmh. Par exemple, dans mon travail, j'ai par exemple remarqué que dans les classes sociales moins aisées, l'emprise de ces catégories occidentales de d'hétérosexualité et d'homosexualité était beaucoup moins importante, mmh, que dans les classes sociales aisées et occidentalisées, par exemple. Donc il faut aussi rappeler que la situation dans les pays colonisés n'est pas tout à fait simple, et on ne peut pas l'appréhender d'une façon complètement simple avec un regard unique. Il y a une complexité interne qu'il faut prendre en compte. Oui. Pour revenir aussi à l'époque coloniale, par exemple, il est très intéressant de voir comment, par exemple, les occidentaux et notamment les élites occidentales qui étaient par exemple les élites culturelles et littéraires, voyaient par exemple dans les colonies un espace de liberté, un fantasme de liberté sexuelle. C'est sûr que quand on s'appelait Oscar Wilde ou qu'on s'appelait et qu'on risquait la prison pour son homosexualité, effectivement, c'était un espace plus libre que celui des colonies. D'ailleurs, il se rend, je crois, un fantasme de liberté, c'est-à-dire qu'on projectait sur les pays colonisés un espace de liberté. Parce qu'on faisait une confrontation par rapport à ceux qu'on vivait dans les pays colonisateurs. Oui, Christelle Tarot, sur ce point, effectivement, la fin du 19e siècle est un moment important, puisque on y voit net, c'est ce que vous dites dans le livre collectif que vous avez écrit avec bien d'autres, qui s'appelle « Sexe, race et colonie chez La Découverte », on y voit naître un début de tourisme sexuel homosexuel, en l'occurrence occidental, mais il y a aussi effectivement un tourisme sexuel hétérosexuel qui se déroule exactement en même temps avec les grands bordels qui naissent dans ces espaces nouvellement colonisés, en l'occurrence. Oui, en là Afrique aussi, du Nord. Il faut penser la dimension coloniale dans un plus long terme, en fait, parce que on observe un continuum, en fait, entre les premiers empires coloniaux où on va plutôt structurer les espaces comme des paradis terrestres. Et puis au 19e siècle, il y a une rupture, effectivement, où on va beaucoup plus sexualiser ces espaces. Mais vous voulez dire que ce serait plutôt des paradis sexuels que des paradis terrestres? Voilà, des paradis sexuels. Alors je ne dis pas, bien sûr, que dans les premiers paradis supposés, en tout cas pour les Européens, peut-être beaucoup moins pour les populations colonisées, évidemment, il n'y a pas de sexe. Mais on observe une sexualisation de plus en plus forte, en fait, de ces espaces à partir du 19e siècle. Et donc, effectivement, les imaginaires sont structurés par cette idée d'un espace qui est constitué comme en rupture avec les règles et les normes de la civilisation des mœurs, entre guillemets, qui est en train, en même temps, simultanément, d'être pensé dans l'Europe colonisatrice. Donc, bien sûr, par comparaison, ces territoires sont supposés être des territoires où tout est possible, et notamment ce qui est interdit, bien évidemment, de plus en plus radicalement dans les territoires colonisés. Je pense notamment à toute la gamme des perversions sexuelles que la sexologie européenne est en train de former. D'élaborer à ce moment-là, bien évidemment. Mais je pense aussi, par exemple, à quelque chose qui est en train de devenir de plus en plus inacceptable dans les sociétés européennes, qui est par exemple le fait d'avoir des relations sexuelles avec des très jeunes enfants, qu'ils soient bien évidemment garçons ou filles. Et il y a un déplacement, effectivement, dans les territoires colonisés de ces fantasmes, qui sont d'ailleurs beaucoup plus d'ailleurs des fantasmes que des pratiques. Je ne dis pas que ça n'existe pas, bien sûr, mais on observe quand même que dans les sociétés coloniales, pour des raisons qui sont liées aussi à l'ordre colonial, qui est aussi un ordre sexuel, on peut pas tout faire, mais on nous fait croire qu'on peut tout faire. Et c'est ça qui est puissamment fantasmatique, en fait. Oui, Corinne Fortier, cette élaboration de ces catégories, donc d'homosexualité, d'hétérosexualité, dans des territoires qui ne les connaissaient pas avant l'entreprise coloniale, marque profondément les sociétés en question, puisque, comme le disaient en l'occurrence Christelle Tarot et Gianfranco Rebuccini, aujourd'hui, les sociétés qui en sont issues de cette colonisation utilisent encore la totalité de cette gamme qui était présentée par Christelle Tarot, y compris ces catégories qui ont été donc importées de l'Europe du 19e siècle et du début du 20e siècle. Il y a la question homosexuelle se pose dans ces sociétés. Sur un même ordre, pourrait-on dire, que dans les sociétés occidentales, en même temps que toute la gamme qui était une gamme qui s'était développée depuis des dizaines d'années, voire des siècles, dans ces sociétés, existe encore. Oui, donc comme on l'a dit, ces catégories là d'homosexualité qu'on peut dire en effet occidentale datent du 19e, mais il y a des catégories bien sûr antérieures, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, il y a des termes locaux bien sûr pour désigner, surtout pour l'homosexualité masculine, qui est plus, on va dire, visible et qui est plus près de plus d'attention parce qu'elle est considérée comme une forme de sexualité réelle, alors que par exemple le lesbianisme n'est pas considéré comme une forme de sexualité en tant que telle, parce qu'il n'y a pas d'acte pénétratif, l'acte sexuel étant souvent considéré dans ces sociétés justement comme la pénétration. Donc là, on a déjà une différence aussi entre les homosexualités masculines et féminines. On n'a pas encore parlé de l'homosexualité féminine. On en parlera tout à l'heure. Voilà, mais qui est tout à fait notable. Mais les catégories sont plus justement pour l'homosexualité masculine et pour distinguer celui qui est actif et celui qui est passif. Et c'est celui qui est passif qui est dont les termes souvent sont les plus dépréciatifs. et qui est justement, on va dire, féminisée dans aussi des catégories de genre, où bien sûr les catégories de femmes ou de sont dépréciées. Enfin, le renvoi à la féminisation, et donc l'homosexuel ou le passif est renvoyé aussi à cette féminisation. Il n'est pas viril. Donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'on distingue ces catégories, et le terme homosexuel étant très très récent, il est repris par des associations LGBT, par des aujourd'hui, tout le monde ne s'y reconnaît pas non plus dans ces catégories aussi encore aujourd'hui. On a fait tous la nouba, ça c'est vrai, mais m'en cache pas. Mais ces jours-là, c'est permis, quand c'est la fête des armées. Dans un café en cachette, nous avons bu la misite. Une fois, deux fois, même trois fois, ça fait rien toujours des bois. En sortant qu'il marche comme ça, on a fait tous la nouba. L'autre jour, c'était la fête des arbitres. Acheté jour à mes amis, que j'ai bien rigolé. Oui, mais j'avais mal à la tête, car les soirs, j'étais grévé. Et j'ai fait te raconter comment que ça s'est passé. Il y avait tous les amis, Mohamed, Barta, Tariski, Omar, Dakar, Ali Baba, Saïd, Neloud, La Halouma. On avait mis ces jours-là la plus belle gandoura. Jolie chéchia, jolie bournos, chanté fait qu'on avait des flous. Et alors dans les rues d'Alger, on n'était que petites mercantées. On a fait tous la nouba, ça c'est vrai, mais m'en cache pas. Mais ce jour-là, c'est permis, quand c'est la fête des armées. Dans un café en cachette, nous avons bu la misite. Une fois, deux fois, même trois fois, ça fait rien toujours des bois. En sortant, tu marches comme ça. On fait la nouba, un titre dont on hérite, parce qu'on hérite aussi de cette longue histoire musicale, littéraire, cinématographique, de mise en scène et de caricature, pour en dire aussi, de ces colonies que la plupart des Français ne connaissaient pas, n'avaient pas visitées lors de la colonisation, mais dont ils voyaient la représentation par toutes ces chansons, tous ces films, dont on hérite donc aujourd'hui. Christelle Tarot, ce dont on hérite peu, c'est de la représentation de l'homosexualité féminine. Si au XVIIIe siècle, et en particulier au début du XIXe siècle, la question du harem a taraudé l'imaginaire occidental, et en particulier pas simplement Ingres, mais bien d'autres peintres qui se sont intéressés à cet imaginaire-là, d'ailleurs troquant les femmes des pays arabes par des femmes blanches, parce que c'était la beauté supérieure, expliquez-vous, dans Sexe, Race et Colonie, Christelle Tarot. Mais néanmoins, on peut dire que ce fantasme du harem a fait masque sur la question de l'homosexualité féminine dans les territoires, en particulier d'Afrique et d'Afrique du Nord. Alors, je dirais que de manière générale, la sexualité féminine est un impensé. C'est-à-dire que quand on parle de la sexualité féminine, on en parle toujours en référant à la sexualité masculine. Et par exemple, si on prend la question du fantasme de harem, effectivement, parmi le fantasme du harem, qui sera d'ailleurs ensuite reproduit dans toute une série d'autres sports, imageries, eh bien, on a évidemment l'un des topoïs, c'est la scène lesbienne, évidemment. Mais on voit bien que on met en scène des femmes entre elles qui sont elles aussi considérées dans une sexualité d'attente, parce que bien sûr va apparaître un homme qui va permettre d'accéder à la vraie sexualité. Et puis donc, on les met en scène pour un regard masculin la plupart du temps. Bien sûr, pour un regard masculin, pour un regard d'excitation sexuelle, etc. Bon, donc la sexualité des femmes est peu prise en compte, y compris d'ailleurs, nous ne nous y trompons pas, en Europe, et y compris même encore aujourd'hui dans les études LGBT. Enfin, on sait bien que les études LGBT sont surtout gays et pas très lesbiennes, hein, malgré tout. Donc il y a un déficit de travaux qui est je dirais un problème politique d'une certaine manière, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi un déficit d'archives qui reprend le thème des femmes et le silence de l'histoire de Michel Perrault, qui se posait la question justement de comment écrire une histoire des femmes dans les années 70 ou dans les années 80, effectivement, et qui se posait la question des sources, simplement un manque de sources ou moins de sources, donc il faut Comme le disait Sandra Boringer, pour l'Antiquité lundi, il faut ruser avec les sources, il faut aller chercher dans ces sources en les lisant de façon un peu différente de ce qu'elles ont été comme support de réflexion par nos prédécesseurs. Il faut aller les interroger différemment. Oui, et en étant bien conscient qu'il ne faut pas surinterpréter non plus. Oui. Parce que le problème, c'est qu'à force de chercher quelque chose, on le trouve. Mais on peut parler notamment du travail que Jocelyne Darclia a fait à ce propos, parce que nous savons que par ailleurs, il y avait des relations sexuelles entre femmes. Alors, est-ce qu'elles se définissaient là aussi comme des relations lesbiennes ? Probablement pas, et probablement pas pour les périodes les plus anciennes, mais il y a des relations sexuelles entre femmes attestées, évidemment, au Maghreb, comme dans d'autres territoires, depuis très longtemps. Corinne Fortier ? Oui, mais là aussi, comme on peut parler de d'homosocialité ou d'homo-érotisme du côté masculin, on a les mêmes phénomènes aussi du côté féminin, c'est-à-dire une grande proximité féminine, corporelle. On peut s'asseoir côte à côte, mettre son visage ou sa tête sur le corps de l'autre femme. Enfin, il y a aussi des postures corporelles qui, dans le monde aussi, qui sont différentes, on n'est pas sur des chaises, on est par terre, qui incitent à ce contact entre femmes sans qu'il y ait d'homosexualité ou d'érotisme. Mais, en effet, c'est vu par un regard occidental, et vous l'avez dit, sous un regard aussi masculin, comme peut-être une homosexualité sous-jacente. Alors que, oui, on est bien sûr, il y a aussi la question des hammams, aussi la question de la nudité ou la pudeur, donc qui est quand même aussi très importante dans les milieux au Maghreb, aussi au Moyen-Orient aussi, beaucoup. Ou là aussi la question de la nudité entre femmes ou entre hommes d'ailleurs, n'est pas non plus aussi, il y a pas autant de pudeur que dans le monde occidental. Donc de là à dire qu'il y a aussi une homosexualité, je ne pense pas. Il y a aussi un contact très très facile entre femmes. On parle aussi beaucoup de sexualité, souvent entre femmes dans ces pays. Bon, plutôt justement en parlant de leur mari, de l'hétérosexualité, mais des choses que peut-être on ne ferait pas ici en Occident. Donc on a un rapport aussi au corps et à la confidence entre femmes et au tactile qui, en effet, d'un point de vue occidental, peut apparaître comme de l'homo-érotisme, mais qui, de l'intérieur, ne l'est pas nécessairement. Donc attention aussi aux catégories de pas plaquer des catégories définitives. Et d'ailleurs, c'est ce que vous nous expliquez dans vos travaux, Gianfranco Rebuccini. Vous nous expliquez qu'en fait, la question d'une construction d'une identité une fois pour toutes, pourrait-on dire, par exemple, cette identité homosexuelle, est une question qui est biaisée, pourrait-on dire, dans l'univers sur lequel vous travaillez, en particulier le Maghreb occidental. Vous avez beaucoup travaillé sur le Maroc, et vous vous posez cette question. Vous dites, en fait, la masculinité, par exemple, ne se perd pas en bloc pour toujours. Et ça doit être la même chose pour la féminité, le caractère féminin, puisque il y a des phases dans la vie qui font que l'on peut être l'un et l'autre à la fois, qu'il n'y a pas d'interdiction ou d'opposition, et que même la catégorie de bi ne correspondrait pas forcément à ce que l'on observe sur le terrain. Vous êtes anthropologue, je le rappelle. Oui, ça c'est pour les catégories locales. Moi, j'ai travaillé sur donc les masculinités non hégémoniques, c'est-à-dire non exclusivement hétérosexuelles au Maroc. Et j'ai remarqué effectivement que cette question de la masculinité était centrale pour comprendre les pratiques sexuelles entre hommes notamment. Pour revenir à la question des femmes, il me semble que il y a aussi une question. Il y a bien sûr la question du regard qu'on apporte en tant que scientifique sur cette question, mais il me semble aussi que la question du manque d'archives ou du manque de sources, du manque d'attention qui a été portée sur la question de la sexualité entre femmes, c'est aussi parce que l'enjeu principal dans le rapport colonial était la masculinité. Mmh. Il faut rappeler que la colonisation, c'est une entreprise de guerre, une entreprise de conquête, et donc le caractère masculin devait être mis en avant. C'est-à-dire que la conquête coloniale était une conquête masculine, et donc la question de la masculinité à la fois du colonialisme et du colonisé était centrale dans cette entreprise-là. C'est-à-dire que, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, on avait des fantasmes d'interdits et de et de transgression pour les Occidentaux dans les pays colonisés, parce qu'on pensait que la masculinité colonisée était moins importante et donc plus incline à avoir des comportements sexuels transgressifs. On pensait l'arabe, par exemple, beaucoup dans sous le sens de l'efféminement, par exemple, et cela jusqu'à la période de la décolonisation. Ce qui est intéressant, par exemple, des travaux de Tosh Shepard, un ouvrage récent, met en évidence comment la guerre d'Algérie marque un tournant pour la France, au moins, dans cette question de la masculinité, de la virilité du colonisé et du colonisateur. Oui. On voit bien un changement de paradigme, de comment on voit l'homme arabe. Avant, on le voyait de façon efféminée, donc on avait ces fantasmes de homosexualité, de ces projections de l'homosexualité sous le monde du Maghreb, par exemple. Et avec la guerre d'Algérie, on a un changement de paradigme, et l'homme arabe devient le violeur, devient celui qui a une masculinité excessive, excédente, et dont il faut avoir peur. Donc c'est sur ces questions de masculinité qui, à mon sens, sont centrales, à la fois pour la période coloniale, mais aussi pour la période contemporaine. Mm-hmm. Oui, Christelle Tarot, effectivement, les travaux de Tosh Shepard sont très importants, et en particulier son dernier livre qui s'intitule « Mal des colonisations », qui a été publié à la fois aux États-Unis et en France, donc, et qui, d'une certaine façon, montre ce changement aux alentours de la fin de la guerre d'Algérie, entre regard porté sur les hommes arabes auparavant, et en particulier les Algériens, et regard ensuite. J'ai retrouvé dans un article d'Emmanuel Blanchard, qui travaillait sur la présence des Algériens dans le Paris gay des années 50 et 60, ce texte donc d'un policier qui disait « S'il est hors de doute que les pratiques homosexuelles sont largement répandues chez les Nord-Africains, on doit reconnaître qu'ils ne se livrent à ces actes contre nature qu'entre eux, par exemple. C'est pourquoi une contamination de la jeunesse ne paraît pas à craindre à propos justement de la présence de ces Algériens pendant la guerre d'Algérie, dans la France des années 1950. Ce qui est d'ailleurs très faux, comme le montre aussi, l'assertion du policier, ce qui est très faux, comme le montre par exemple le travail de Régis Revenin, oui, qui montre qu'en fait il y a beaucoup d'interactions en fait entre des jeunes, qui est un historien de l'homosexualité, des jeunes blancs, disons, et puis des hommes algériens, par exemple. Mais en fait, je ne crois pas qu'il y a de rupture, parce qu'en fait, je pense que ce qui se joue autour de la masculinité coloniale, particulièrement en Algérie, c'est de délégitimer les hommes sur le terrain viril, bien évidemment, mais par les deux extrêmes, si j'ose dire. Parce que au moment même, en Europe et notamment en France, on est en train de redéfinir ce qu'est le juste viril. Et ce juste viril, il passe par une domestication de certains comportements masculins qui sont jugés maintenant déviants, alors qu'ils étaient tout à fait acceptés auparavant. Notamment, par exemple, la violence physique entre eux dans les espaces publics. Et puis, toutes sortes d'autres choses. Et donc, le colonisé, en fait, il n'est jamais pensé dans ce juste viril. Donc soit c'est un hyper viril agressif, un hyper hétérosexuel agressif d'une certaine manière, et effectivement là on l'accuse de toutes les perversions possibles et imaginables, et on l'accuse d'être un acteur de la violence sexuelle majeure, et notamment de pratiquer le viol comme un amusement, entre guillemets, comme on le retrouve dans certaines sources, ou alors on en fait un efféminé mou, qui est effectivement très intégré dans cette notion de passif, qui fait tellement mal d'ailleurs à la société. C'est tout à fait intéressant de la part du colonisateur d'utiliser ces catégories, parce qu'elles font mal dans l'identité virile des hommes, qui est très importante. Et du coup, on retrouve ça ensuite dans le postcolonial, si j'ose dire. Mais en fait, on observe que dès les premiers temps de la conquête de l'Algérie, on a déjà des textes, en fait, qui disent, en d'autres termes, parce que nous employons des termes plus contemporains là, mais qui disent ça, cette absence de juste viril chez l'homme algérien, par exemple. Et si on déplace, comme vous avez pu le noter à certaines fois, Corinne Fortier, dans d'autres espaces musulmans, par exemple, que l'espace proprement maghrébin, si on se rend dans l'Inde coloniale, par exemple, eh bien, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus complexe pour le colonisateur britannique. Enfin, c'est aussi complexe que pour le colonisateur français dans dans le Maghreb, mais qu'il y a d'autres catégories qui sont présentes, la catégorie des hijras, par exemple, c'est ce troisième genre qui est maintenant reconnu dans le Pakistan, pourtant musulman, depuis 2010, avec une carte d'identité qui porte un T pour trans, en l'occurrence, avec là aussi, c'est très intéressant pour l'anthropologue que vous êtes, ou pour l'historien ou l'historienne, c'est effectivement ce mélange entre une catégorie occidentale, la question du trans, sur une carte d'identité pakistanaise d'aujourd'hui. Mais Christelle Tarot, vous avez écrit aussi sur l'officier blanc et son bœuf indigène dans l'armée des Indes. Effectivement, quel était le rapport à cette sexualité du bœuf entre l'officier et celui qui le servait, donc dans sa maison ou lors de son installation dans l'Inde coloniale, en l'occurrence. Sur ces questions, c'est très intéressant de réfléchir sur la longue durée, Corinne Fortier. Oui, en effet, parce que bon, cette catégorie de troisième genre, elle est, il faut bien la distinguer, bien sûr, de la catégorie de l'homosexualité qui n'a absolument rien à voir. Mais c'est vrai que c'est une figure qu'on retrouve en fait dans beaucoup de sociétés, y compris des sociétés qu'on peut dire enfin arabo-musulmanes ou musulmanes, comme vous avez dit, pour les Hijra, pour le Pakistan, mais aussi en Afghanistan. On peut aussi parler en Égypte des Rawals, des Cossacks en Turquie. Justement, vous disiez tout à l'heure qu'on représentait dans les harems des femmes, mais on oublie aussi qu'il y avait des danseurs éphèbes qui étaient souvent aussi un peu travestis, très jeunes. Donc la question de l'âge aussi est toujours très très importante, et qui pouvaient avoir des relations aussi sexuelles donc avec les princes ottomans, etc. Donc il y a cette figure de troisième genre. Bon, ça a été aussi, il y a des anthropologues aussi qui ont montré, comme Wiccan, qui a montré aussi qu'il y avait à Oman une figure aussi dans le sultanat d'Oman, aussi l'Eranis, qui est une figure aussi de troisième genre. Et donc on a, enfin en tout cas, qui est aussi désignée comme telle, là aussi on peut aussi faire une critique de la catégorie de troisième genre, mais elle a pu servir en tout cas par exemple au hijra ou de trans pour se faire reconnaître, avoir des droits et aussi avoir des quotas dans certains métiers pour s'insérer dans la société, même si il reste de toute façon aussi extrêmement méprisé et stigmatisé. Mais alors, et pourquoi aussi cette catégorie peut-être et finalement, elle peut cacher, elle est parfois plus acceptée que la question justement que la catégorie d'homosexuel, puisque en fait, la question de la transsexualité peut faire entrer aussi d'une certaine manière dans une certaine hétérosexualité. Et on voit qu'il y a certains pays justement musulmans comme l'Iran par exemple, qui font beaucoup d'apparitions de transsexuels et qui en fait une et manière autorisée par une fatwa de l'imam Khomeini et qui permet justement finalement de normaliser d'un certain point de vue d'une manière hétérosexuelle. De recréer deux genres là où voilà, là on a un troisième. Voilà. Et derrière aussi, en Égypte aussi, même bon, où là, dans l'islam sunnite, c'est beaucoup plus compliqué, la question de l'opération transsexuelle et de la reconnaissance du statut de transsexuel. Mais là aussi, pour les personnes qui ont pu le faire, derrière aussi, en tout cas, il y a toujours le soupçon d'homosexualité. C'est-à-dire comme si les personnes étaient devenues trans pour cacher l'homosexualité. Donc finalement, on peut se poser la question si dans beaucoup de ces sociétés la notion de la catégorie de troisième genre n'est pas plus acceptée que la catégorie d'homosexuel, qui est complètement tabou. C'est le cas aussi par exemple en Mauritanie ou en Afrique de l'Ouest avec les gordiganes, ce qui veut dire un homme-femme, qui sont aussi bien connus au Sénégal, en Mauritanie, en Afrique de l'Ouest en général, et qui est une catégorie locale qui existe depuis très très longtemps, oui. Alors que l'homosexualité est complètement tabou. Oui, alors Gianfranco Rebuccini nous disait tout à l'heure qu'il ne fallait pas tout mettre, d'ailleurs, dans les sociétés contemporaines qui sont post-coloniales, sur le dos du colonial, qu'il y avait des traditions qui avaient perduré et qui d'une certaine façon avaient vécu en souterrain dans la société coloniale, soit parce qu'elles n'étaient pas repérées comme telles, soit parce qu'elles n'étaient pas condamnées comme telles. réel, puisque il y avait aussi une dimension de hiérarchie raciale qui laissait peut-être autoriser des pratiques dans ces espaces coloniaux qu'on n'autorisait pas, par exemple, aux colonisateurs eux-mêmes, en l'occurrence Corinne Fortier. Oui, c'est ça, oui. Oui, il y a donc une sorte de possibilité d'avoir pour ces sociétés, Christelle Tarot, continuer à exister malgré le choc colonial, malgré l'imposition coloniale, avec des catégories qui, aujourd'hui, ont perduré dans une société postcoloniale. Oui, bien sûr, c'est effectivement l'héritage sexuel de la colonisation est lourd. Il a travaillé évidemment considérablement les sociétés, celles que je connais le mieux, par exemple les sociétés maghrébines. Il y a toute une série bien sûr d'impacts très contemporains qui sont le produit bien sûr du passé. Mais je voulais juste revenir sur ce que disait Corinne Fortier, qui me semblait vraiment intéressant, qui était le registre du genre, et peut-être revenir au début de l'émission avec Biribi, parce que dans le très très beau travail que Dominique Khalifa a fait sur Biribi, il montre justement combien dans ce monde carcéral d'hommes qui est si violent, eh bien il faut remettre du genre. Il faut réassigner en fait dans la population carcérale ceux qui vont être définis comme des hommes, des vrais hommes, et puis ceux qui vont être considérés comme des femmes. Et il montre de manière très convaincante en fait que dans ce monde qui n'est qu'un monde masculin, on va en fait sélectionner dès l'arrivée ceux qui vont d'une certaine manière servir de femmes parce qu'ils sont souvent considérés comme efféminés, qu'il s'agisse de caractéristiques physiques ou qu'il s'agisse de caractéristiques plus psychologiques. Mais en fait, on voit bien que le grand partage se fait aussi sur la dimension du genre, et ça renvoie aussi aux catégories dont nous discutions, actif, passif, viril, efféminé, avoir de la moustache ou pas, voilà, si j'ose dire. Donc, on voit bien que la question des sexualités et des homosexualités percute, en fait, avec une très grande acuité, la question du genre, qui est, à mon avis, peut-être encore plus centrale dans ces sociétés, hier comme aujourd'hui, que celle de la question des pratiques sexuelles. Gianfranco Rebuccini, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit par Corinne Fortier et par Christelle Tarot? Oui, complètement. Je pense que la question du genre est centrale. Mais cela s'explique assez aisément, parce que si on revient aux travaux de Foucault, qui met en évidence comment la sexualité au XIXe siècle devient un dispositif à part entière, et il est séparé, mais Foucault, comme d'autres aussi historiens des sexualités du genre, il montre bien comment la sexualité a été extirpée de la question du genre, comment a été isolée d'une façon à créer un dispositif à part entière autour de la sexualité, comment on a inventé la sexualité en Europe et dans le monde occidental. Évidemment, dans les autres sociétés, ça, les anthropologues l'ont bien mis en évidence dans presque toutes les sociétés dans le monde, la question du genre est la question principale, et la sexualité est rentre forcément en relation à cette question du genre masculin-féminin, et encore plus loin. Moi, je dirais qu'il n'y a pas que le genre, il y a aussi la question des classes sociales, la question des statuts, la question de l'âge, comme on vient de le rappeler. Donc la sexualité dans des sociétés qui ne sont pas occidentales, non seulement il y a des catégories différentes, mais il y a aussi une absence des catégories. Quand tout à l'heure on disait qu'on ne pouvait pas parler d'homosexualité et d'hétérosexualité, et c'est pas seulement parce qu'il manque la catégorie pour nommer les choses, c'est juste que ces mêmes pratiques, ces mêmes discours qui sont autour, qui sont mis sous le chapeau de la sexualité en Europe et en Occident, dans d'autres sociétés qu'est les nôtres, ne sont pas distribués, comme je peux dire, sous ce chapeau-là de cette catégorie de sexualité, mais ils sont distribués dans d'autres catégorisations qui sont celui du genre, de la classe, de l'âge, du statut, etc., etc. Je voulais aussi revenir sur la question de... Brièvement, s'il vous plaît, excusez-moi, on arrive bientôt au terme. Allez-y, continuez, Gianfranco Rebuccini. Non, je voulais juste rappeler que toutes ces questions-là, effectivement, moi, je mettrais pas, je voulais pas dire qu'il y ait une rupture. Au contraire, je voulais dire qu'il y ait une rupture par rapport à la question coloniale. Au contraire, je voulais dire qu'il y a des effets du colonialisme qui se produisent aujourd'hui aussi. Par exemple, vous parlez hier de la question des archives. Ouais. Par exemple, dans le collectif Archives LGBT de Paris, on voit bien comment la question des sexualités non blanches est bien central. Le travail, je voulais ici saluer le travail de Paula Baqueta qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là et sur la question de la colonialité du pouvoir, qui agit aujourd'hui aussi, c'est sur la question de l'homonationalisme, qui en quelque sorte est un héritage de la période coloniale, mais c'est la colonialité du pouvoir, ce qu'on appelle la colonialité du pouvoir, qui agit aussi sur les sociétés d'aujourd'hui. Et donc ça aussi, il faut le tenir en compte. Oui, donc Christelle Tarot, tous ces sujets sont en discussion et en débat, on le voit bien. On voit bien, par exemple, effectivement, je le rappelais, que l'article d'Abdelataya dans le livre d'Antoine Didier et de bien d'autres, publié chez Textuel sur LGBT+, les archives du mouvement LGBT, était une adresse, au-delà de la mort évidemment, à Jean Genet. Qu'allais-tu faire dans notre espace géographique? Que venais-tu faire, Jean Genet? Qu'y avait-il dans ce rapport au corps arabe que tu avais créé, dit Abdelataya, se posant la question effectivement de ce qu'il y avait de domination coloniale, même chez ceux qui ou celles qui voulaient la libération de la domination coloniale. Ah oui, là aussi le retour aux travaux de Todd Shepard est très important. Il a bien noté que notamment dans les années 70, hein, lorsque un certain nombre d'intellectuels homosexuels revendiqués sous-entendent par exemple leur antiracisme par le fait qu'ils ont des relations sexuelles avec des Arabes, par exemple, c'est extrêmement problématique. Parce que, bien évidemment, ce n'est pas parce qu'on couche avec l'autre qu'on est forcément dans un rapport égalitaire. Et c'est d'une certaine manière ce que dit Abdelataya de manière très juste dans sa critique mesurée, ouais, malgré mesurée, tout, mesurée, de Jean Genet. Merci en tout cas à vous, Christelle Tarot. Je rappelle que vous êtes une des 5 auteurs du livre « Sexe, race et colonie » qui vient de paraître. Co-directrice, parce que les auteurs, il y en a beaucoup. Co-directrice, pardon, j'ai voulu dire co-directrice, excusez-moi. « Sexe, race et colonie », c'est donc aux éditions La Découverte. Pour votre part, Corinne Fortier, vous avez co-dirigé avec Safa Mounkid, le corps des femmes et espace genré arabo-musulman chez Cartala. Et puis pour votre part, on peut trouver beaucoup de vos articles, Gianfranco Rebuccini, en se rendant sur les excellentes plateformes que sont en l'occurrence Cairn ou encore revue.org, qui est devenu désormais Open Edition. C'est cela, Open Edition, qui sont donc deux grandes revues en ligne qui permettent de consulter des articles venant de toutes les autres revues qui ont été publiées depuis longtemps dans le domaine des sciences humaines. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Aurélie Marcet. Jean-Guilain Meige était avec nous à la technique et Thomas Duterre à la réalisation. Demain, nous conclurons notre série d'émissions consacrée à l'histoire des homosexualités en nous interrogeant avec un documentaire signé Franck Thoraval et Thomas Duterre sur la constitution d'un quartier gay, le Marais, à Paris, mais aussi peut-être aujourd'hui la fin d'un marais gay, puisque beaucoup de ces lieux de rencontres gays qui se situaient dans le Marais disparaissent les uns après les autres aujourd'hui.